prison. J'suis pas pour la peine de mort, sauf pour Claude Lelouch. J'suis pas pour la peine de mort, sauf pour Alexandre Arcadi. J'suis pas pour la peine de mort, sauf pour Patrice Lecomte. Ah, je vais l'exception culturelle en France. Oh, de gestion d'un ciné indépendant. Ah, je vais l'exception culturelle en France. Faites des films avec zéro franc. J'suis pas pour la peine de mort, sauf pour Richard Berry. J'suis pas pour la peine de mort, sauf pour Sophie Marceau. J'suis pas pour la peine de mort, sauf pour Fabrice Luchini. J'suis pas pour la peine de mort, sauf pour Jean Reno. Ah,